Chia, c'est nord. Ok. Bon, me présente, c'est Nord, je viens cacher la nouvelle ère. Une vie en revolver, pourtant jamais suicidaire. Les humains veulent plus de chiffres, les humains veulent plus de bif, mais pas moi. Car seul le rap est jouissif, mon art tout ce que j'ai écrit sur mon cahier. Du hardcore à l'origine, ça, tout ce que j'ai gagné. Rappeur et j'en suis fier, je suis poète de la rue. Un avenir fait de merde, je te raconte tout mon vécu. Pas de bas sentiment, j'avance plus le temps. Sarcasme, ça casse, même si c'est moi le plus grand. Tour de passe-passe, fuck toutes les pétasses. Mon public est en masse, des billets que je brasse. Mon micro que j'embrasse, pas de messe passe. Passe-moi le mic que j'enflamme toutes les salles. Jamais je ne canne, pas besoin de doliprane. Car jamais je tombe en panne, lyrical et mon âme. Alerte le SAMU, de nos jours l'art nous a pu. Carnage à la page, devine qu'à la rage. Cache-toi avant que je ne t'arrache. Fuck tous les lâches, aujourd'hui c'est avant-marche. Snore à la baguette, quand je débarque tout pète. Je fais sauter les watts, quand j'arrive que tout claque. Appelle-moi le mac du rap, tout comme tout va. Sac moi ou sac pas, je vais tout péter comme Moussama. Snore à la baguette, quand je débarque tout pète. Je fais sauter les watts, quand j'arrive que tout claque. Appelle-moi le mac du rap, tout comme tout va. Sac moi ou sac pas, je vais tout péter comme Moussama. Il faut que je cherche l'erreur de tous nos malheurs. Les jeunes n'ont pas cœur, car ils y ont vu l'horreur. Calibré des articles, SN avant seul, seul pour le peuple et seul pour ma gueule. C'est vrai j'ai de l'estime, mais c'est parce que j'assassine. La gloire est à moi, tout comme le crime. Je crois en l'espoir, surtout en mes rimes. Yeah. Moi je suis Sénor, un petit homme dans cette époque. L'argent me fait défaut, donc je viens montrer mes gros. Ça vient des MRS, c'est mon rap, je traverse. Viens pas chercher la merde, tu vas avoir des problèmes. Sénor n'est jamais mort, combien de fois je dois te dire encore. Rien à foutre de tous les gens qui m'ont estimé. Rien à foutre du travail, mon talent c'est inné. Rien à foutre ma destinée, car je sais qu'elle sera belle. Sénor à la baguette, quand t'es pas que tout fête. Je vais sauter les watts, quand j'arrive que tout claque. Appelle-moi le mac du rap, tout comme tout pack, sac moi ou sac pas, je vais tout péter comme Moussama. C'est Nord à la baguette, quand t'es pas que tout pète. Je vais sauter les watts, quand j'arrive que tout claque. Appelle-moi le mac du rap, tout comme tout pack, sac moi ou sac pas, je vais tout péter comme Moussama. Dans les charts c'est Nord, tu veux du hardcore. La France a eu un choc, tous les traits je crie fort. MC, je vois que tu chies dans ton froc. C'est ça les phénomènes de la nouvelle époque. Cousin, sort ton gun, c'est la guerre des scuds. M'en sens, fais un buzz, alors mets-le en valeur. C'est mon flow, reste ma cam et ne sort pas du placard. Yeah. Ça, c'est Nord, c'est du rap hardcore. Ça, c'est Nord, c'est du rap dans la zone. Ça, c'est Nord, paniqué, t'es mort. Ça, c'est Nord, ça, c'est Nord. Yeah. Tous les frères, yeah. La famille, les collègues, yeah. C'est Nord à la baguette, quand t'es bas que tout pète. Je vais sauter les watts, quand j'arrive que tout claque. Appelle-moi le mac du rap, tout comme tout pack. Sac moi ou sac pas, je vais tout péter comme Moussama. C'est Nord à la baguette, quand t'es bas que tout pète. Je vais sauter les watts, quand j'arrive que tout claque. Appelle-moi le mac du rap, tout comme tout pack. Sac moi ou sac pas, je vais tout péter comme Moussama. S-E-N-O-R Marseille 2008. Shit.